Nous, on achète de plus en plus en vrac, c'est notre contribution pour la planète. Et vous ? On achète local, ça soutient l'économie. Et toi, Carole, tu fais quoi ? Moi, je fais des choix pour mon épargne. Ah oui ? Pour que votre épargne bénéficie autant à vos économies qu'à l'économie responsable, découvrez les assurances vie, les plans épargne retraite et les investissements socialement responsables proposés par la Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous être utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital. Caisse d'épargne, intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS, voire conditions en agence. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, une histoire qui a bouleversé la France au début des années 80, l'affaire du Corral. Le Corral, c'est le nom d'un centre autogéré qui accueille des enfants, des adolescents et de jeunes adultes en difficulté. Ils sont encadrés par des éducateurs qui ont le souci de développer des méthodes éducatives alternatives. 6 ans après sa création, une affaire éclate en 1982. Il y aurait eu des actes de pédophilie au Corral. Une plainte est déposée par des parents de pensionnaires et un homme, Jean-Claude Krief, qui a séjourné en observation dans ce lieu de vie, il évoque l'existence d'un véritable réseau pédophile. La presse s'empare de l'affaire et l'on parle vite des balais bleus du Corral. Des noms de personnalités apparaissent dans le dossier et l'opinion s'émeut, allant de l'émotion donc jusqu'à la division. Car entre la fin des années 70 et le début des années 80, au lieu de condamner la pédophilie pour ce qu'elle est, un crime, on en débat. Oui, certains intellectuels posent clairement la question de la sexualité de l'enfant et de l'adolescent. Après tout, doit-on l'interdire ? De son côté, Claude Cigala, le directeur du Corral, se dit être victime d'une cabale politique. On chercherait à discréditer, à travers cette affaire, tous les lieux de vie et les méthodes éducatives alternatives. À tel point qu'au fil des mois d'enquête, on commence à se poser cette question : ce scandale pédophile serait-il une manipulation politique ou policière ? Notre invité aujourd'hui, Pierre Verdrager, sociologue, auteur de l'ouvrage « L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse », publié chez Armand Collin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyen Guyen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 18 octobre 1982, JT de 20h, Antenne 2. Après avoir consacré une longue partie de son journal à la mort de Pierre Ménès France, Christine Ockrent ouvre le chapitre de l'affaire Corral. C'est une affaire douloureuse puisqu'il s'agit d'enfants, d'enfants handicapés, peut-être mêlés à un circuit organisé de dépravation sexuelle. C'est aussi une affaire bien trouble. Les trois responsables du lieu de vie, le Corral, c'est le nom d'un centre pour handicapés près de Montpellier. Les trois responsables ont été présentés cet après-midi au juge d'instruction à Paris. Ils ont été inculpés et écroués pour attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 15 ans et incitation de mineurs à la débauche. Dans la région, les réactions sont celles de la stupéfaction plus encore que de l'indignation, d'autant plus qu'aucun parent n'a porté plainte. C'est le début d'un ouragan médiatique. La presse titre notamment « Scandale dans un centre de jeunes handicapés »,« L'affaire du Corral, vos enfants en danger » ou encore « Les ignobles balais bleus ». Les faits qui sont évoqués ont en effet de quoi dégoûter et révolter. On aurait mis à disposition des enfants et des adolescents à des visiteurs du centre pour qu'ils se livrent à des actes pédophiles, esclaves sexuels. Sur place, une équipe de télé suit les réactions des habitants de la petite commune des Margues, dans le Gard. C'est la stupéfaction et le silence qui règnent, donc la sidération. Peu de personnes osent prendre la parole devant les journalistes. En revanche, Marie Cigala, l'épouse du directeur du centre, monte au créneau. Tout ce travail qu'on a fait avec les enfants, et on a l'impression qu'il est réduit maintenant à rien du tout, que ça va être très difficile de pouvoir refaire quelque chose, puisque avec toute cette presse à scandale, bon, on est quand même sali, éclaboussé. On ne comprend pas du tout ce qui a pu se passer et pourquoi on est mêlé à ça. L'incompréhension et le sentiment d'injustice prédominent. Mais Marie Cigala peut compter sur de nombreux soutiens. Notamment celui de certains parents de jeunes pensionnaires du Corral. Et ce n'est pas rien, évidemment. L'un d'eux s'exprime devant les caméras. Je lui fais confiance et je continue à lui faire confiance puisque je suis encore ici. Et puis je serai longtemps à côté de lui. Mon fils est venu en week-end chez nous, je le ramène aujourd'hui et il restera là. Alors pour comprendre la confiance qu'accordent ses parents à l'équipe du Coral, il faut détailler le fonctionnement de ce lieu d'accueil pour le moins atypique. Situé dans le sud de la France, dans la petite Camargue, le Coral accueille chaque année quelques enfants et adolescents. Jamais plus de 7. Les profils sont variés, ils peuvent être autistes, atteints d'un retard mental, psychotiques, en rupture familiale ou délinquants. Installé dans une ancienne exploitation agricole au milieu des vignes, ce lieu de vie permet à tous ces jeunes de retrouver un cadre familial. Créé en 1976 par Claude Cigala, le Coral est le produit de réflexions menées dans le sillage de mai 68, notamment avec le mouvement de l'antipsychiatrie. Les défenseurs de ce courant préconisent une alternative à l'enfermement des patients souffrant de pathologies psychiatriques. Rassemblés au sein des collectifs Réseau Alternatif, ou CRA, de nombreux lieux de vie comme le Coral accueillent des jeunes à travers toute la France, souvent sans l'agrément d'ADAS et des pouvoirs publics. Quelques semaines avant l'éclatement de l'affaire du Coral, Claude Cigala ouvre les portes de son lieu de vie à une équipe d'Antenne 2, expliquant les grands principes de sa méthode. Notre souci à nous n'est pas de l'ordre de la maladie ou de l'ordre de la thérapeutique, il est de l'ordre du vivre. Et les enfants que nous accueillons sont d'abord des sujets, des jeux. Et nous faisons tout, nous tentons cette vie, cette tentative avec eux, afin qu'ils soient donc des individus à part entière. Sur les séquences qui suivent, on voit deux ados du centre discuter vie quotidienne. L'un des deux est sur sa mobylette. L'autre lui lance « Tu vois là, je suis en train de préparer mes affaires de pêche. » Car toutes les journées au Coral sont rythmées par des activités. Des loisirs, évidemment, mais également des tâches ménagères. Faire les lits, le ménage, cuisiner les repas, aller chercher les œufs dans le poulailler ou faire les courses au village. D'ailleurs, depuis 6 ans, les commerçants des marques se sont habitués à ces enfants un peu différents. Et le regard de méfiance est devenu bienveillant, sympathique. Ils participent même au processus éducatif des jeunes. Le boulanger, par exemple, les invite à venir faire du pain et découvrir son métier. Car Claude Cigala, qui n'est pas psychiatre, refuse à la fois l'enfermement, les médicaments, mais également toutes sortes d'analyses. Il mise sur les interactions sociales et sur un climat de confiance pour libérer la parole des ados et les aider à trouver leur voie. Dans le reportage, on suit Pierre, par exemple, 18 ans, qui rêve de devenir policier. Il rend visite à un gendarme du village qui l'accueille chaleureusement, ou encore, il y a le cas de certains pensionnaires qui, arrivés à l'âge adulte, s'installent dans la région pour travailler avec des artisans ou sur des chantiers. On trouve de nombreux adolescents atteints de troubles d'ordre psychiatrique au Coral, certes, mais pas seulement. Il y a aussi des jeunes à la dérive, comme Nordine, 12 ans, qui se droguait et volait avant de retrouver un équilibre au sein du Coral. Il se confie devant la caméra. Tu aides aussi, tu fais la cuisine des fois? Le bon matin, je fais la salle, je fais le dortoir, on fait les lits. Sébastien ne veut pas faire son lit, alors nous on le fait. Et on vous l'a demandé ou vous avez décidé de le faire? Non, on l'a fait. On n'a pas demandé. Est-ce que maintenant tu te sens différent des autres enfants ou exactement pareil? Ah, pareil. La méthode du Coral paraît très simple et elle fonctionne. Les jeunes retrouvent un cadre familial où la confiance est le maître mot. Dans l'atelier menuiserie, on les laisse utiliser les outils et construire ce qui va être utile pour tout le monde. Ce jour-là, on façonne la véranda qu'on installera devant la maison. Mais le Coral, c'est aussi une ambiance colonie de vacances où les moments de détente sont légion. De la baignade dans la piscine ou à la mer jusqu'aux soirées où tout le monde laisse libre cours à son inspiration, tout le monde crée ses propres pas de danse, par exemple. Tout le monde est réuni, y compris les deux filles de Claude et Marie Cigala. Ainsi, entre la famille de la direction du centre, les quelques jeunes accueillis et les adultes éducateurs, on est une bonne vingtaine à faire la fête. Voilà, jusque-là, tout va bien, mais cette histoire va faire passer ses protagonistes du rêve au cauchemar en quelques semaines. Nous sommes en 1982, 6 ans après sa création, une affaire de pédophilie éclate et toute la France en parle. Tout commence le 15 octobre, lorsque le juge d'instruction Michel Salzman délivre un mandat d'amené à l'encontre de Claude Cigala et de deux autres membres du choral, le psychiatre Jean-Noël Bardi et l'éducateur Alain Chiapello. Interrogés le 18 octobre par le juge, ils sont tous les trois écroués dans la foulée à la prison de la Santé, à Paris. Le jour même, c'est René Scherrer, professeur de philosophie à l'université Paris 8, qui est placé en garde à vue. Il est notamment connu pour être un défenseur de la pédophilie avec la publication, entre autres, et en 1974, de l'ouvrage intitulé « Émile perverti ou des rapports entre l'éducation et la sexualité ». L'affaire démarre après la plainte de parents d'un pensionnaire du choral. Démarche corroborée par le témoignage d'un homme qui a séjourné comme observateur dans ce lieu de vie. L'enquête se poursuit, les révélations s'enchaînent et font place à l'horreur. La presse révèle qu'en 1977, 5 ans avant l'affaire, un pensionnaire du choral, alors âgé de 17 ans, a tué un enfant après l'avoir sodomisé. La victime, retrouvée la tête dans un seau d'eau usé, avait 10 ans. Le meurtrier n'a jamais été jugé en raison de son état mental, mais interné pendant 2 ans à l'hôpital psychiatrique d'Uzès. À sa sortie de l'asile, ce jeune homme a été réintégré au choral par Claude Cigala. À la suite des révélations dans la presse, le jeune homme a pris la fuite et reste introuvable. L'affaire du choral rebondit de jour en jour, notamment à travers différentes déclarations médiatiques. Le 22 octobre, Claude Cigala envoie 2 lettres depuis sa prison au journal Libération pour clamer son innocence. Selon Claude Cigala, toute cette affaire est née à cause d'une dénonciation calomnieuse, celle de Jean-Claude Krief. C'est le témoin numéro 1 d'affaire. C'est un jeune homme de 25 ans qui est décrit de cette manière par Claude Cigala dans sa lettre. Il est venu au choral 15 jours avant qu'on lui dise d'aller se faire voir ailleurs, vu ses tendances pédophiles insistantes. France Inter rapporte ses propos. Du nouveau dans l'affaire du lieu de vie, le choral. Le principal accusé, Claude Cigala, le directeur de l'établissement, a fait parvenir depuis sa prison une déclaration au quotidien Libération qu'il la publiera demain matin. Claude Cigala affirme qu'il est en prison pour n'avoir pas permis à son dénonciateur, Jean-Claude Krief, d'avoir des relations sexuelles avec les jeunes du choral. Cigala avait même porté plainte contre Jean-Claude Krief à propos d'un certain nombre de documents dérobés. Le directeur du choral pose plusieurs questions dans le texte remis à Libération. Qui a eu intérêt à écouter Jean-Claude Krief? Comment et dans quel but? Claude Cigala n'espère qu'une chose, être confronté à son accusateur devant le juge. Jean-Claude Krief est pour le moins un personnage trouble, lui-même incarcéré pour avoir enfreint les règles de son contrôle judiciaire. Le jeune homme est inculpé pour escroquerie et pour une affaire de chèque falsifié. Le 29 octobre, le journal Le Monde révèle que Krief a avoué avoir produit des faux procès-verbaux de police mettant en cause des personnalités publiques dans l'affaire du choral. Parmi elles, on retrouve notamment le professeur d'université René Scherrer et le ministre de la Culture, Jack Lang. Le but était de revendre ces faux procès-verbaux à des journaux, mais également de faire chanter le ministre. C'est le frère de Jean-Claude Krief, Michel, qui aurait mené toutes ces démarches. Une histoire d'argent, donc. Mais les révélations du canard enchaîné jettent encore plus le trouble sur le parcours des frères Krief. Grâce à 2 numéros de téléphone réservés aux indics des RG, Jean-Claude joignait à la préfecture son contact, prénommé Pascal, et fournissait régulièrement des informations sur les milieux homosexuels parisiens qu'il fréquentait. Quant à Michel, il avait ses entrées à la préfecture et s'était vu chargé d'espionner les milieux autonomes proches d'Action Directe. Le principal accusateur de l'affaire du choral est donc, tout comme son frère, un indicateur des renseignements généraux. Peut-on penser alors à un coup monté de la police ou même un coup politique? Car tout est envisageable dans cette affaire et envisagé. Il faut rappeler le contexte dans lequel sont proférées ces accusations de pédophilie. À la frontière des années 70 et 80, la question des relations sexuelles avec les enfants est clairement posée par certaines personnalités intellectuelles. D'ailleurs, l'un des hommes impliqués à tort au début de l'affaire du choral n'est autre que l'écrivain Gabriel Matzneff, auteur de l'ouvrage « Les moins de 16 ans » publié en 1974, où il dévoile son goût pour les jeunes personnes, garçons comme filles. Il s'en explique devant Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe du 12 septembre 1975. Je crois que avoir l'esprit, n'est-ce pas, comme ça, fixé sur des histoires sexuelles, c'est leur attacher une importance lorsqu'il n'y a que la sexualité. J'assure, le donjuanisme qui s'adresse d'ailleurs à des jeunes femmes ou à des gosses, ou à l'histoire de draguer, de faire des collections, de faire il y a certains pédérastes qui collectionnent les gosses comme les donjuans collectionnent les femmes. Pardon, ça, c'est moche. Pardon, Gabriel Massé, c'est que vous en parlez aussi. Oui, pas mal. Je suis désolé, je vous fais une citation. J'ai dragué beaucoup de moins de 16 ans, mais beaucoup de moins de 16 ans m'ont dragué. Oui, alors, exactement. C'est écrit. Mais c'est là que je dis on corrompt les jeunes. Mais on ne corrompt pas le jeune. Mais si, parce que vous comprenez bien que ce n'est pas désintéressé de leur part. Moi, j'ai été à Marrakech, je connais tout ce terrain de chasse, Eh bien, je vois les pauvres gosses qui sont là en train d'attendre qu'on leur donne leur pourboire et qui vont faire l'amour contre de l'argent comptant. Mais ça n'a rien à voir. Eh bien, avec si c'est un attentat à la dignité de l'enfant. Un peu plus d'un an plus tard, en janvier 1977, Gabriel Maxeneff écrit une lettre ouverte sous forme de pétition pour défendre trois hommes accusés d'attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 15 ans. En l'occurrence, les victimes en avaient 12 et 13 à l'époque des faits. Les trois hommes avaient notamment pris des photos et des vidéos de leurs jeux sexuels avec les jeunes adolescents. Les juges ont pu y voir des fellations, des sodomies et des parties fines. Dans la pétition de Gabriel Maxeneff, on peut lire « Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste, d'une part entre la qualification de crime qui justifie une telle sévérité et la nature des faits reprochés, d'autre part entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle. Si une fille de 13 ans a le droit à la pilule, c'est pour quoi faire ?» Parmi tous les signataires, on retrouve notamment Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles et Fanny Deleuze, Philippe Solers, Bernard Kouchner, Louis Aragon, mais également René Scherrer et Jack Lang, impliqués à tort dans l'affaire du Corral. Si de l'aveu même de Gabriel Maxeneff, le philosophe Michel Foucault refuse de signer cette pétition, il apporte son soutien à la cause pédophile, car il estime que fixer un âge pour le consentement n'a pas de sens. Et il s'en explique sur France Culture dans l'émission Dialogue du 4 avril 1978. On les croit non susceptibles de sexualité et on ne les croit pas susceptibles d'en parler. Or là, je crois que, je ne dis pas que ça résout le problème, mais après tout, écouter un enfant, l'entendre parler, l'entendre expliquer quels ont été effectivement ses rapports avec quelqu'un, adulte ou pas, etc., doit pouvoir faire comprendre, pourvu qu'on l'écoute avec suffisamment de sympathie et surtout en lui faisant suffisamment crédit, doit permettre d'établir à peu près quel a été le régime de violence ou de consentement auquel il a été soumis. Et aller supposer que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas expliquer ce qu'il en est, que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas être consentant, il y a là deux abus qui sont très, je crois, intolérables, alors, inacceptables. Ce philosophe reconnu que Foucault est un soutien de taille, évidemment, pour les pédophiles. Mais un autre homme, qui s'est fait connaître sur les barricades en mai 68, va tenir des propos pour le coup très ambigus sur les rapports sexuels avec les enfants. Il s'agit de Daniel Cohn-Bendit. L'histoire est connue. Dans un livre publié en 1975, intitulé « Le Grand Bazar », il raconte son activité d'éducateur dans un jardin d'enfants, à Francfort. Comme pour le lieu de vie du Corral, il s'agit d'un centre alternatif où l'on prône de nouvelles méthodes pédagogiques. Et Daniel Cohn-Bendit écrit « Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances. Mais leur désir me posait un problème. Alors je leur demandais « Mais pourquoi ne jouez-vous pas ensemble? Pourquoi m'avez-vous choisi, moi et pas d'autres gosses ?» Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. 7 ans plus tard, il raconte une nouvelle fois cet épisode devant Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe, celle du 23 avril 82. Vous savez que la sexualité d'un gosse est absolument fantastique. Enfin, c'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Bah, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotique. Vous me troublez. Oh mais non, à peine, parce que vous y attendiez. Mais Pas tant que ça. Non. Près de 30 ans après ces propos, Daniel Cohn-Bendit les regrette et déclare « J'ai raconté ça par pure provocation pour épater le bourgeois. Et Sachant ce que je sais aujourd'hui des abus sexuels, j'ai des remords d'avoir écrit tout cela. Bien, revenons à l'affaire du Corral, qui a lieu la même année, donc, que les propos tenus par Daniel Cohn-Bendit dans l'émission Apostrophe. Très vite, les trois personnalités publiques impliquées, Jack Lang, René Scherrer et Gabriel Matzneff, sont mis hors de cause. Mais ces accusations, évidemment, ne sont pas sans conséquences. Matzneff perd sa chronique dans le journal Le Monde, par exemple. Il écrit que les personnes de ce journal font en 1982 au pédophile ce qu'ils faisaient en 1942 lors de la chasse aux Juifs. L'essentiel est d'avoir un bouc émissaire, dit-il. Il reproche aussi, de manière virulente, l'attitude de Michel Foucault, Jacques Derrida et Gilles Deleuze qui ne sont pas venus au secours de René Scherrer. Quant à Claude Cigala, le directeur du Corral, il ne cesse de clamer son innocence derrière les barreaux de la prison de la Santé. Mais un nouveau rebondissement va intervenir, et une nouvelle fois, de la part de Jean-Claude Krief, le témoin principal sulfureux de cette affaire. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges, j'ai de toiles d'araignée. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. Et les nids des oiseaux, on allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur le curé. On se novembre 1982, 8h, Journal de France Inter. 6 personnes inculpées, dont 3 écrouées, des pages et des pages de polémiques dans les journaux, des débats sur la pédophilie, toute l'affaire des balais bleus du Corral était née des dénonciations de Jean-Claude Krief. Et puis, soudain, hier, le même Jean-Claude Krief s'est rétracté. Il n'y a jamais eu de balais bleus au Corral. Dans une lettre envoyée à l'AFP, Jean-Claude Krief affirme qu'il s'est lancé dans ses dénonciations pour se sortir d'une autre affaire judiciaire et pour se venger du directeur du Corral, Claude Cigala. Il ajoute qu'il aurait été manipulé par un certain Monsieur X. Rappelons que Jean-Claude Krief était indicateur pour les renseignements généraux. Il n'est donc pas à exclure qu'il ait pu subir un chantage dans le cadre d'une opération de déstabilisation politique. C'est d'ailleurs la thèse de François Roux, avocat de Claude Cigala. On lui aurait demandé de dénoncer un certain nombre de personnalités, dont des personnalités du gouvernement, dans une énorme affaire de balai bleu. On lui aurait également demandé de mettre en cause Claude Cigala et tout le réseau des lieux de vie. Il le fait dans un premier temps, mais bien vite il se rétracte car il connaît Claude Cigala, c'est ce qu'il nous explique dans sa lettre aujourd'hui. Il a beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait dans les lieux de vie et donc à ce moment-là, il décide immédiatement en privé de se rétracter. C'est à ce moment-là, dit-il, qu'on l'incarcère pour d'autres affaires, celles-là même pour lesquelles on aurait voulu le protéger. Et maintenant, il dévoile dans une lettre rendue publique comment tout a fonctionné de ce qu'il faut appeler, si l'on en croit ces termes, une énorme machination. Une énorme machination, les mots sont forts. C'est donc bien logiquement que l'avocat François Roux demande la libération immédiate de Claude Cigala et l'arrêt des poursuites. Car à ce stade de l'enquête, aucune photo pédopornographique en lien avec le choral n'a été retrouvée et Jean-Claude Rieff s'est rétracté. Pour l'avocat de Claude Cigala, le dossier est désormais quasiment vide. Il ne tient plus que sur des témoignages d'enfants et d'adolescents qui disent avoir été victimes d'abus sexuels lors de leur séjour dans le lieu de vie, mais qui n'ont jamais été confrontés à Claude Cigala, bien qu'il l'ait demandé à plusieurs reprises. À chaque fois, c'était un rejet, tout comme ses demandes de remise en liberté. Le 13 janvier 1983, nouveau rebondissement dans cette affaire de Coral. Marie Cigala, la femme du directeur du lieu de vie, est inculpée d'attentat à la pudeur sans violence sur enfants de moins de 15 ans et d'incitation à la débauche. Cette fois, il s'agit d'une déclaration d'un enfant de 6 ans. Elle n'est pas incarcérée et réagit sur France Inter. Depuis le début, on dit qu'on est innocent et moi, ce que je trouve déplorable, c'est que c'est sur le témoignage d'un enfant de 6 ans et demi... que je suis inculpée, que je lui aurais mis quelque chose, c'est pas précisé, hein, c'est pas du tout précisé, dans l'anus, voilà. Et là-dessus, il y a eu un rapport d'expertise demandé par le juge, mais qui ne dit rien du tout, quoi, sauf qu'il n'y a rien eu, il n'y a aucune lésion cicatricielle. Il n'y a que ce témoignage d'un enfant de 6 ans et demi, or la chambre d'accusation... dit elle aussi que c'est impossible qu'on inculpe là-dessus. 10 jours plus tard, le journal Le Monde retranscrit l'annonce d'un groupe de 8 intellectuels qui prépare un livre blanc pour défendre les inculpés de l'affaire du Coral. Parmi les signataires, on retrouve notamment Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze et Félix Guattari. Ils écrivent « Une partie de la presse, à l'origine du scandale, est responsable de la tournure prise par l'enquête. » Balai bleu, trafic d'enfants, réseau pédophile, trafic de photos pornographiques prises au Coral, voire complicité d'assassinat et de viol. Toutes ces incriminations, qui n'ont jamais existé dans la procédure judiciaire, n'ont jamais été rectifiées par cette même presse. Et tout cela aboutit aujourd'hui à un dossier contesté, fondé seulement sur 2 témoignages d'adolescents. Le 24 février 1983, à la fin d'un long combat médiatique et judiciaire, Claude Cigala obtient sa libération de prison. Une 50aine de personnes l'attendent pour célébrer l'heureux événement. Il sort sous les acclamations et les applaudissements. Tous se rassemblent dans un café. Claude Cigala parle d'abord de sa femme. « Je vais revoir Marie. » On lui répond « Elle est là ?» cachée par la foule de journalistes et des personnes venues le soutenir. S'ensuit une interview dans une ambiance détendue, quasi festive, où Claude Cigala répond aux questions, continue de clamer son innocence et défend le travail qu'il a effectué avec les jeunes pendant des années au Coral. Il finit par prendre la pose devant les photographes avec sa femme, Marie. Au micro de France Inter, Jacques Vergès, qui est l'avocat de l'accusateur Jean-Claude Krief, explique que toute cette affaire n'est qu'une grande manipulation policière. Le procès du Coral est un procès de sorcellerie. Un procès de sorcellerie, ça doit s'accompagner de secrets, de rumeurs et de mystères. À partir du moment où le dossier a été mis devant l'opinion, il est bien évident qu'on s'est aperçu que ce dossier dont on parlait à mots couverts pour intoxiquer la presse et l'opinion, était ce qu'il était, un montage policier. Il est difficile de dire, de se mettre à la place des gens qui ont monté l'affaire, mais il est évident que l'affaire apparaît dans un premier état, dans un premier stade, comme une opération contre les lieux de vie. Et apparaissait en même temps comme une opération contre certains hauts responsables de la République. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a eu l'impression que ces hauts responsables de la République mis en cause se sont tus, ont préféré sacrifier le choral plutôt que de défendre une expérience originale dont eux-mêmes avaient apprécié l'originalité. La libération de Claude Sigila ne signe pas pour autant la fin des poursuites. L'instruction continue, et de ce côté, le directeur du choral est interdit de séjour dans son lieu de vie, à Aimargues. Pendant les 3 années entre sa libération et ce procès, Claude Sigila va écrire sur ses méthodes éducatives alternatives. Et le 5 décembre 1985, quelques semaines avant son procès, il prononce un long plaidoyer pour les lieux de vie dans l'émission Résistance, sur Antenne 2. Vous avez préféré me laisser jeter en prison. Vous avez fait souffrir des enfants, des parents, des amis. Vous avez mis en danger de mort une tentative des lieux de vie. Il est inadmissible que vous ayez transformé ce que nous appelons et ce que nous faisons tendresse et caresse en pédophilie et pornographie. Que vous transformiez être en avoir, agir en jouir. Il y a eu méprise. Méprise sur les soi-disant photos pornographiques qui n'ont jamais existé et que les journalistes attendent depuis 3 ans. Méprise sur des personnalités culturelles et politiques comme par hasard de gauche. Méprise enfin sur notre alternative communautaire et autogérée. Faites-nous un procès public et contradictoire. Évitez-nous, s'il vous plaît, le huis clos, la magouille et le secret. Le 9 janvier 1986, c'est l'ouverture du procès du choral devant la 10e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Claude Sigala et 9 autres personnes, dont sa femme, comparaissent pour attentat à la pudeur sans violence sur personne de moins de 15 ans. Ils risquent de 3 à 10 ans de prison. 4 jours d'audience sont prévus pour tirer au clair cette affaire. De nombreux soutiens de Claude Sigala se pressent dans la salle pour le soutenir. Jean-Claude Krief, à la base de l'affaire, mais qui est revenu sur ses accusations, est absent du procès, car il a pris la fuite en Israël. Mais les audiences vont être l'occasion pour Claude Sigala et les autres prévenus d'être confrontés, enfin et pour la première fois donc, aux différents adolescents qui les accusent. Pour ces anciens pensionnaires du choral, c'est l'occasion de se libérer. L'un d'eux, Didier, 15 ans au moment des faits, accuse l'éducateur Jean-Noël Bardi de lui avoir imposé des relations sexuelles complètes. Et il ajoute « Claude Sigala a voulu m'embrasser sur la bouche, j'ai dit non ». Sigala rétorque « Je t'ai embrassé plusieurs fois, tu voulais que Marie et moi soyons ta mère et ton père, tu avais besoin d'affection ». À la barre ensuite, c'est Nordine qui s'avance, l'adolescent qu'on a entendu au début du récit. Il explique « Claude m'a embrassé sur la bouche, un jour il a voulu me rouler une pelle, j'ai refusé ». Puis c'est le cas plus délicat de Jean-Pierre Lanaise qui est évoqué. C'est le pensionnaire de 17 ans qui a tué un enfant en chorale, puis qui est revu vivre à proximité du lieu de vie après 2 ans d'internement dans un hôpital psychiatrique. Pierre, 16 ans, livre un témoignage glaçant. Lanaise est venu au chorale, il m'a dit « on couche ensemble ». Je suis allé voir Claude, qui m'a dit « ici c'est normal, moi aussi je le fais ». Sigala dément, je n'ai jamais dit ça, je vous avais défendu d'aller chez Lanaise, au contraire. Vient ensuite le commissaire qui a mené l'enquête. Son témoignage permet d'éclaircir le rôle que chaque adulte a joué dans cette histoire. J'ai trouvé, certes, au choral, des gens merveilleux qui s'occupaient des enfants avec dévouement. Mais aussi un autre groupe, Bardi, Lanaise, Labaume, qui ont été mis en cause par les enfants et les adultes et ont reconnu les faits. Mais aussi des gens comme Sigala, qui, mis en cause personnellement par des enfants, ne pouvaient en tout cas ignorer ce qui se passait. 2 mois plus tard, le 7 mars 1986, 7 des 10 prévenus sont condamnés, quasiment tous à une peine de 3 ans de prison avec sursis pour certains. Claude Sigala est que de 3 ans, dont un avec sursis. Il lui est notamment reproché d'avoir favorisé un climat permissif dans le lieu de vie, alors qu'il avait autorité sur les jeunes pensionnaires. Cette peine est réduite en appel 1 an plus tard, à 6 mois ferme, mais déjà effectuée en préventive. Ces condamnations auraient pu stopper net les expérimentations de pédagogie alternative dans les lieux de vie. Mais le choral a survécu à l'affaire. En 1995, le film intitulé « Visiblement je vous aime », réalisé par Jean-Michel Carré, est sélectionné au Festival de Cannes. Mêlant documentaire et fiction, il est tourné entièrement en choral et rassemble les pensionnaires qui jouent leur propre rôle avec l'acteur Denis Lavant. On retrouve également Claude Sigala, qui se bat toujours pour son idéal, le lieu de vie comme alternative à l'enfermement. That's all I want. Vous écoutez Affaires Sensibles, vous êtes donc sur France Inter qui vous raconte aujourd'hui l'histoire du choral dont nous allons parler avec notre invité Pierre Verdrager. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, auteur de l'ouvrage « L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse » publié chez Armand Collin. Je vous invite à peut-être vous rapprocher un tout petit peu du micro parce que vous avez un masque et moi aussi, oui. Ce sont les consignes sanitaires. Donc il faut se rapprocher un peu pour qu'on nous entende bien. D'abord, quel regard vous posez sur cette histoire-là, dont vous n'êtes pas un spécialiste, hein, on ira bien au-delà de cette histoire, mais vous l'avez entendu. Quel est votre regard de sociologue? Écoutez, c'est une histoire qui est intéressante parce que des acteurs très importants de la question pédophile y ont été impliqués, d'ailleurs à tort. Je pense en particulier à Gabriel Mazneff, bien sûr, qui défrait la chronique ces jours-ci. Et c'est un élément, cette histoire du choral, qui a été utilisée justement par Gabriel Mazneff pendant toute sa vie pour se poser en victime du monde social, environnant, de la presse. C'était un des éléments fondamentaux, de l'argumentaire de Mazneff, de dire que cette histoire avait été mise en épingle afin de le faire chuter. Alors c'est pas tout à fait faux d'une certaine manière, parce que Mazneff, en 1982, à la suite de cette affaire, après avoir été donc impliqué à tort dans l'affaire du choral, a perdu sa chronique au Monde, donc une chronique au Monde qu'il avait depuis 5 ans. Donc c'était évidemment une tribune très importante pour lui, une position de pouvoir qu'il a perdue à tort. Donc la posture de victime pour Mazneff, donc qui a été impliqué dans cette affaire-là, c'est quelque chose qui a je dirais, un peu démarré au moment de l'affaire du choral, et qui s'est poursuivi dans son journal jusqu'à très récemment. Alors c'est le cas de le dire, très récemment, puisqu'il a déclaré vraiment il y a très peu de jours que Vanessa Springora avait été celle... Sa dénonciatrice. Hein, voilà, sa dénonciatrice, mais au-delà de Vanessa Springora, l'ensemble du monde social, le réel, et qui faisait de lui une espèce de nouveau juif, hein, la métaphore du juif chez Mazneff est constamment récurrente. Alors l'affaire du choral aussi, ça renvoie à tout ce qui pouvait se passer dans ces années-là, dans les années 70-80, sur la question de la possibilité de valoriser les relations sexuelles entre les adultes et les enfants. On y vient, c'est le cœur du sujet. Oui, c'est le cœur du sujet, et dans ces années-là, évidemment, il y avait un bouillonnement très important. Vous avez évoqué, à juste titre, la pétition de janvier 77, et puis aussi la lettre ouverte à la commission de révision du code pénal, donc qui sont deux textes un peu fondateurs de ça, où... Ces intellectuels-là, qui aujourd'hui, lorsqu'on entend leurs propos, et Kahneman dit de la même façon, avec le recul, on s'est dit, mais c'était des propos pédophiles. Kahneman dit d'ailleurs les regrette, hein, il le dit ouvertement. Qu'est-ce que ces intellectuels, à cette époque-là, veulent dire? Ils veulent dire, mais ouvrez la sexualité de l'enfant, le corps de l'enfant, il a besoin de connaître son corps, c'est bon pour son développement. Est-ce que c'était une démarche sincère? Ou est-ce que c'est de la pédophilie déguisée? Non, je pense que c'était une démarche complètement sincère. Si vous voulez, il y avait le mouvement de libération sexuelle qui prenait racine dans les années 68 et qui a été tous azimuts dans toutes les directions. Et une des directions qu'a pris ce mouvement, c'était de pouvoir rendre valides les relations sexuelles entre les adultes et les enfants. Et donc, il y avait tout un débat juridique très important, notamment dans la lettre ouverte à la commission de révision du code pénal, qui impliquait Foucault, où il y avait deux questions qui étaient en présence, à la fois la question du consentement et la question de l'âge. Oui. Et Foucault, et d'autres, Mazneff disait, ce qui compte, c'est pas l'âge, c'est le consentement. C'est le consentement. Quel que soit l'âge, en gros. C'est-à-dire que l'âge n'a pas de pertinence. Donc ça voulait dire que la notion de majorité sexuelle était idiote, comme disait Gérard Bakignas, qui a été un défendeur de la pédophilie pendant de très nombreuses années. Donc ça, c'est un débat très très important. C'est-à-dire qu'à l'époque, les signataires de cette lettre de révision au code pénal étaient dans la position la plus extrême de ce qu'il était possible de défendre à l'époque. Parce qu'il y avait d'autres positions qui défendaient l'idée qu'on pouvait abaisser l'âge de la majorité sexuelle. Enfin, ces gens sont baillots, au contraire, c'est même des intellectuels, des gens qui réfléchissent. Ils n'ont pas compris que la pédophilie vole l'enfance. Écoutez, c'est évidemment facile de juger ça maintenant. Non, je ne juge pas, c'est juste une question. Avec le recul qu'on peut avoir maintenant. Mais c'est saisissant quand même. C'est très saisissant parce que les défenseurs de ces causes-là ont complètement perdu devant le tribunal de l'histoire. Oui. Et donc, ces déclarations doivent être quand même replacées dans le contexte, non pas pour les relativiser, non pas pour en minimiser la gravité, mais pour essayer de les comprendre, c'est-à-dire de comprendre pourquoi elles ont existé. Et je pense qu'ils étaient tout à fait sincères dans l'idée qu'il était possible de considérer comme recevable des relations sexuelles entre les adultes et les enfants. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas changé de ligne. Je veux dire par là que Madnef n'a absolument jamais changé de doctrine. Il a toujours défendu la même chose. Il a été... absolument constant. Alors évidemment, en présentant les choses toujours d'une façon qui pouvait les laisser penser comme étant acceptable, mais c'est quelqu'un qui n'a pas changé de ligne jusqu'aujourd'hui. Puisqu'on parlait de lui, Maznev, d'autres intellectuels comme Foucault, évidemment. On va écouter une archive de 1978 où l'intellectuel militant Guy Hockenheim s'exprime sur la liberté sexuelle dans l'émission Aujourd'hui Madame, diffusée sur Antenne 2, donc en 1978. Pour l'instant, on n'est pas très avancé dans cette voie de la libération. On est encore très loin. Il existe encore des lois qui répriment certaines formes de relations amoureuses, par exemple entre homosexuels ou entre majeurs et mineurs, ou dans d'autres cas encore. Il existe par ailleurs un système général de répression qui est toujours en place. Quant à l'avenir, bon, moi j'ai une opinion sur l'avenir, mais elle est peut-être un peu brutale. Je pense que l'avenir, c'est à la partout généralisé, effectivement. Oui, je disais simplement qu'il me semble que s'il y a un avenir qu'on peut dessiner en le souhaitant, parce que de toute façon, il faudrait savoir si on parle de l'avenir qu'on nous organise ou de l'avenir qu'on souhaite. Mais si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents, et entre gens de races différentes également. Alors, Hockenheim fait un amalgame, puisqu'il dit il faut changer un peu notre regard sur les relations sexuelles qui ne seraient pas classiques. Il met entre enfants adultes et entre homosexuels, c'est pas du tout la même chose. Non, c'est encore, pas du tout la même chose. C'est encore un amalgame. C'est ce qu'on appelle maintenant amalgame, ce qui est considéré maintenant comme étant un amalgame, mais qui était tout à fait couramment défendu dans ces années-là. Dans le journal Guépier, qui était le principal organe gay à l'époque, ces thèses-là sont défendues jusqu'à la fin du journal. Le Guépier s'arrête en 92, très tardivement, bien après 1982. Hein. Donc l'idée, c'était que la pédophilie, c'est un cas particulier dans l'espace des causes défendables liées à la sexualité. Donc l'homosexualité et la pédophilie étaient liées aussi parce que c'était souvent, pas toujours, mais souvent, les mêmes gens qui défendaient cette cause-là. Alors, la mairie de Paris avait installé une plaque pour rendre hommage à Hockenheim pour son œuvre intellectuelle. Ces derniers mois, elle a été retirée. Il y a une polémique. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de polémique ? Moi, mon rôle, c'est de comprendre pourquoi on met la plaque et pourquoi on l'enlève. Hein. C'est pas d'avoir un jugement sur le fait. Il y a des sociologues qui considèrent qu'ils ont tout à fait leur mot à dire sur les raisons pour lesquelles, enfin, si c'est justifié d'enlever ou de laisser la plaque. Donc, pourquoi on a mis la plaque ? C'est à l'initiative de Girard et d'autres que cette plaque a été mise et l'affaire de la plaque a été mise au jour à partir du moment où Girard a commencé à être critiqué pour la proximité qu'il avait eue avec Maznev, qui était déjà publique puisque explicité dans le journal de Maznev, et moi j'en avais parlé dans mon livre L'enfant interdit en 2013, c'était pas du tout un secret, simplement c'est revenu au devant de l'actualité. Et cette plaque donc a été pris à partie par les membres du mouvement féministe Les Grenades, qui ont balancé du faux sang dessus, dans la tradition d'ACT UP et d'autres groupements. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Alors ça nous dit c'est que, ça, la question aux sociologues. Attendez, je termine sur le fil de l'événement, c'est-à-dire qu'il y a eu donc du faux sang qui a été plaqué sur cette plaque, et puis ensuite la mairie de Paris a en catimini déboulonné la plaque et voilà et a clôturé l'affaire de la plaque de Hockenheim. Alors après évidemment il y a eu des controverses bien sûr par rapport à cette plaque, avec d'un côté les féministes qui considéraient qu'il était insupportable de rendre hommage à cette figure qui était certes une figure importante de l'histoire LGBT, mais qui aussi était un élément déterminant dans l'histoire de la valorisation de la pédocriminalité, comme on dit aujourd'hui. Et c'est cet élément-là qui a été retenu par ce groupement féministe. Et sur les réseaux sociaux, il y a des controverses enflammées. En général, on trouve assez pertinent de ne pas remettre cette plaque. Pierre Verdrager, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Sébastien Tellier. On verra quel était le point de bascule, à quel moment les mentalités ont changé. Empty face, seek for too crispy, got your Rambo. Empty face, seek for too grace, she's looking at you. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'affaire du Corral dont nous débattons avec notre invité Pierre Verdrager, sociologue, auteur de l'ouvrage, je le dis parce que c'est important, c'est le cœur de notre discussion, L'enfant interdit, comment la pédophilie est devenue scandaleuse, publié chez Armand Collin. Ben justement, on arrive à la question, à quel moment peut-on observer le basculement entre la défense de la pédophilie, par certains, et sa condamnation? Alors, unanime et officielle maintenant. Il n'y a pas d'année précise, évidemment, je ne peux pas vous donner une année précise, c'est un mouvement continu. Il y a l'extinction d'un certain nombre de groupes pro-pédophiles dans les années 80, mais la thématique, l'idée qu'il est possible de défendre la question pédophile, pour Guépier par exemple, ça s'arrête en 92, puisque le journal s'arrête à ce moment-là. Donc c'est un journal où cette question-là a été défendue de façon pratiquement univoque pendant toutes ces années. Donc il y a ça qui est important à retenir. L'autre chose, c'est que je considère comme une date fondamentale, c'est 1994, où l'ILGA, l'International Lesbian and Gay Association, se sépare des revendications des mouvements pédophiles. Ah. Où là, il y a vraiment une séparation. Alors sinon, il y a plein d'aspects, évidemment, qui sont liés au rejet de la revendication de la pédophilie par le monde social. Bon, on peut en retenir quelques-uns. Par exemple, l'émergence du pouvoir des femmes. Parce que les femmes, historiquement, ont été très très liées au fait de ne pas défendre cette cause. Il y a très très peu de femmes dans les pétitions. C'est moins d'un quart de signataires dans les pétitions dont je parlais tout à l'heure. Et donc, dans ces positions-là de pouvoir, par exemple, Ségolène Royal a eu un grand rôle, elles avaient une approche qui était complètement différente de celle des hommes, puisque l'opposition entre les hommes et les femmes sur cette question-là est réellement très importante. Il y a eu une montée en puissance fondamentale des associations de défense de l'enfance, qui ont été de plus en plus nombreuses, et il y a eu, et on l'a vu de façon éclatante au début de cette année, la prise au sérieux de la parole des victimes, avec évidemment dans le sillage de MeToo, et cette année en France a eu lieu un événement que je considère comme considérable du point de vue de cette histoire-là, c'est la publication du consentement de Vanessa Springora, qui était une première prise de parole par rapport à la question de Maznev, qui jusqu'alors en avait eu le monopole. C'est lui qui avait eu le monopole de la description de ce qui avait pu arriver. Et cette prise de parole de Vanessa Springora a été absolument fracassante. Le succès a été énorme. La diffusion du livre est internationale. Absolument. À la fois, évidemment, en France donc, mais aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne. Enfin, dans beaucoup de pays, ça intéresse tout le monde. Le New York Times, avec Noremitsu Onishi, des grands articles. ont titré sur ces affaires-là, ont créé beaucoup de remous en France, mais ont intéressé le monde entier. C'est des articles qui ont eu un succès très très important. Ça a été à la une du New York Times. Toute l'affaire Maznev, plusieurs fois, a fait la une du New York Times. Donc c'est vraiment quelque chose qui intéresse le monde entier parce que ça dit des choses sur ce que c'est que la France aussi. Et beaucoup d'étrangers, aux États-Unis par exemple, se disent « Mais comment est-il possible que de telles choses puissent arriver en France ?» Donc si vous voulez, ça juge aussi la France, cette histoire-là. Le fait que dans notre pays, des choses comme ça ont été possibles. Oui, sauf qu'elles ont été possibles aussi dans d'autres pays qui nous ressemblent. Oui. Des démocraties européennes, voilà, qui ont les mêmes valeurs que nous. Tout à fait, la pédophilie et la défense de ces questions-là, pédocriminalité, comme on dit maintenant, n'est pas exactement un monopole français, certainement pas. Mais l'existence d'un phénomène comme Maznev, qui est quelqu'un qui a été installé dans l'édition, chez les plus grands éditeurs, chez Gallimard. Chez l'intelligentsia française, quoi. L'intelligentsia française, en tout cas une partie d'entre elles, mais aussi la presse. Je veux dire, Maznev était présent au Monde, au Point, aux Nouvelles Littéraires. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était en vue, qui a eu le prix Renaudot. Donc c'est quelque chose d'installé dans la culture française, et ça, c'est une spécificité. C'est une singularité française. Merci, ce sera le. Vous bousculez un peu, je suis désolé. Ce sera le mot de la fin, Pierre Hervinger. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire du Coral, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.